il nous regardait tristement, comme pour nous prier de ne pas le tourmenter. En même temps, il sortait un de ses bras du lit et nous le tendait. Je me demandais ce que signifiait ce geste qu'il répétait à chaque instant, quand Vitalis me l'expliqua. Avant que je fusse entré dans la troupe, Jolicoeur avait eu une fluxion de poitrine et on l'avait saignée au bras. À ce moment, se sentant de nouveau malade, il nous tendait le bras pour qu'on le saignât encore et le guérit comme on l'avait guéri la première fois. N'était-ce pas touchant? Non seulement Vitalis fut touché, mais encore il fut inquiété. Il était évident que le pauvre Jolicoeur était malade, et même il fallait qu'il se sentît bien malade pour refuser le vin sucré qu'il aimait tant. « Bois le vin, dit Vitalis, et reste au lit. Je vais aller chercher un médecin. » Il faut avouer que moi aussi j'aimais bien le vin sucré. Et de plus, j'avais une terrible faim. Je ne me fis donc pas donner cet ordre deux fois. Et après avoir vidé le bol, je me replaçai sous l'édredon où la chaleur du vin aidant, je faillis étouffer. Notre maître ne fut pas longtemps sorti. Bientôt il revint, amenant avec lui un monsieur à lunettes d'or, le médecin. Craignant que ce puissant personnage ne voulût pas se déranger pour un singe, Vitalis n'avait pas dit pour quelle maladie il l'appelait. Aussi, me voyant dans le lit, rouge comme une pivoine qui va s'ouvrir, le médecin vint à moi et m'ayant posé la main sur le front. « Congestion, dit-il, et il secoua la tête d'un air qui n'annonçait rien de bon. Il était temps de le détromper, ou bien il allait peut-être me saigner. « Ce n'est pas moi qui suis malade, dis-je. « Comment pas malade? Cet enfant délire. » Sans répondre, je soulevai un peu la couverture et montrant Jolicoeur qui avait posé son petit bras autour de mon cou. « C'est lui qui est malade, dis-je. » Le médecin avait reculé de deux pas en se tournant vers Vitalis. « Un singe ? » criait-il. « Comment ? C'est pour un singe que vous m'avez dérangé et par un temps pareil ?» Je crus qu'il allait sortir indigné. Mais c'était un habile homme que notre maître, et qui ne perdait pas facilement la tête. Poliment et avec ses grands airs, il arrêta le médecin. Puis il lui expliqua la situation. Comment nous avions été surpris par la neige, et comment par la peur des loups, Jolicoeur s'était sauvé sur un chêne où le froid l'avait glacé. Sans doute le malade n'était qu'un singe, mais quel singe de génie! Et de plus un camarade, un ami pour nous. Comment confier un comédien aussi remarquable aux soins d'un simple vétérinaire? Tout le monde sait que les vétérinaires de village ne sont que des ânes, tandis que tout le monde sait aussi que les médecins sont tous, à des degrés divers, des hommes de science. Si bien que dans le moindre village, on est certain de trouver le savoir et la générosité en allant sonner à la porte du médecin. Enfin, bien que le singe ne soit qu'un animal, selon les naturalistes, il se rapproche tellement de l'homme que ses maladies sont celles de celui-ci. N'est-il pas intéressant, au point de vue de la science et de l'art, d'étudier par où ces maladies se ressemblent ou ne se ressemblent pas? Ce sont d'adroits flatteurs que les Italiens. Le médecin abandonna bientôt la porte pour se rapprocher du lit. Pendant que notre maître parlait, Jolicoeur, qui avait sans doute deviné que ce personnage à lunettes était un médecin, avait plus de 10 fois sorti son petit bras pour l'offrir à la saignée. Voyez comme ce singe est intelligent. Il sait que vous êtes médecin et il vous tend le bras pour que vous tâtiez son pouls. Cela acheva de décider le médecin. Au fait, dit-il, le cas est peut-être curieux. Il était, hélas, fort triste pour nous et bien inquiétant. Le pauvre monsieur Jolicoeur était menacé d'une fluxion de poitrine. Ce petit bras qu'il avait tendu si souvent fut pris par le médecin et la lancette s'enfonça dans sa veine sans qu'il poussât le plus petit gémissement. Il savait que cela devait le guérir. Puis, après la saignée, vinrent les sinapismes, les cataplasmes, les potions et les tisanes. Bien entendu, je n'étais pas resté dans le lit. J'étais devenu garde-malade sous la direction de Vitalis. Le pauvre petit Jolicoeur aimait mes soins et il me récompensait par un doux sourire. Son regard était devenu vraiment humain. Lui, naguère si vif, si pétulant, si contrariant, toujours en mouvement pour nous jouer quelques mauvais tours, était maintenant là d'une tranquillité et d'une docilité exemplaire. Il semblait qu'il avait besoin qu'on lui témoignât de l'amitié, demandant même celle de Capi, qui tant de fois avait été sa victime. Comme un enfant gâté, il voulait nous avoir tous auprès de lui, et lorsque l'un de nous sortait, il se fâchait. Sa maladie suivait la marche de toutes les fluxions de poitrine, c'est-à-dire que la toux s'était bientôt établie, le fatiguant beaucoup par les secousses qu'elle imprimait à son pauvre petit corps. J'avais 5 sous pour toute fortune, je les employais à acheter du sucre d'orge pour Jolicoeur. Malheureusement, j'aggravais son mal au lieu de le soulager. Avec l'attention qu'il apportait à tout, il ne lui fallut pas longtemps pour observer que je lui donnais un morceau de sucre d'orge toutes les fois qu'il toussait. Alors il s'empressa de profiter de cette observation et il se mit à tousser à chaque instant afin d'avoir plus souvent le remède qu'il aimait tant. Si bien que ce remède, au lieu de le guérir, le rendit plus malade. Quand je m'aperçus de sa ruse, je supprimai bien entendu le sucre d'orge, mais il ne se découragea pas. Il commençait par m'implorer de ses yeux suppliants, puis quand il voyait que ses prières étaient inutiles, il s'asseyait sur son séant et, courbé en deux, une main posée sur son ventre, il toussait de toutes ses forces. Sa face se colorait, les veines de son front se distendaient, les larmes coulaient de ses yeux et il finissait par suffoquer, non plus en jouant la comédie, mais pour tout de bon. Mon maître ne m'avait jamais fait part de ses affaires, et c'était d'une façon incidente que j'avais appris qu'il avait dû vendre sa montre pour m'acheter ma peau de mouton. Mais dans les circonstances difficiles que nous traversions, il crut devoir s'écarter de cette règle. Un matin, en revenant de déjeuner, tandis que j'étais restée auprès de Jolicoeur que nous ne laissions pas seuls, il m'apprit que l'aubergiste avait demandé le paiement de ce que nous devions, si bien qu'après ce paiement, il ne lui restait plus que 50 sous. Que faire ? Naturellement, je ne trouvais pas de réponse à cette question. Pour lui, il ne voyait qu'un moyen de sortir d'embarras. C'était de donner une représentation le soir même. Une représentation sans Zerbino, sans Dolce, sans Jolicoeur ? Cela me paraissait impossible. Mais nous n'étions pas dans une position à nous arrêter, découragés, devant une impossibilité. Il fallait à tout prix soigner Jolicoeur et le sauver. Le médecin, les médicaments, le feu, la chambre, nous obligeaient à faire une recette immédiate d'au moins 40 francs pour payer l'aubergiste, qui, voyant la couleur de notre argent, nous ouvrirait un nouveau crédit. 40 francs dans ce village, par ce froid, et avec les ressources dont nous disposions, quel tour de force ! Cependant, mon maître, sans s'attarder aux réflexions, s'occupa activement à le réaliser. Tandis que je gardais notre malade, il trouva une salle de spectacle dans les halles, car une représentation en plein air était impossible par le froid qu'il faisait. Il composa et colla des affiches. Il arrangea un théâtre avec quelques planches, et bravement, il dépensa ses 50 sous à acheter des chandelles qu'il coupa par le milieu afin de doubler son éclairage. Par la fenêtre de la chambre, je le voyais aller et venir dans la neige, passer et repasser devant notre auberge. Et ce n'était pas sans angoisse que je me demandais quel serait le programme de cette représentation. Je fus bientôt fixé à ce sujet, car le tambour du village, coiffé d'un képi rouge, s'arrêta devant l'auberge et, après un magnifique roulement, donna lecture de ce programme. Ce qu'il était, on l'imaginera facilement lorsqu'on saura que Vitalis avait prodigué les promesses les plus extravagantes. Il était question d'un artiste célèbre dans l'univers entier, c'était Capi, et d'un jeune chanteur qui était un prodige. Le prodige, c'était moi. Mais la partie la plus intéressante de ce boniment était celle qui disait qu'on ne fixait pas le prix des places et qu'on s'en rapportait à la générosité des spectateurs qui ne payeraient qu'après avoir vu, entendu et applaudi. Cela me parut bien hardi, car nous applaudirait-on ? Capi méritait vraiment d'être célèbre, mais moi je n'avais nullement la conviction d'être un prodige. En entendant le tambour, Capi avait aboyé joyeusement et Jolicoeur s'était à demi soulevé, quoiqu'il fût très mal en ce moment. Tous deux, je le crois bien, avaient deviné qu'il s'agissait de notre représentation. Cette idée qui s'était présentée à mon esprit me fut bientôt confirmée par la pantomime de Jolicoeur. Il voulut se lever et je dus le retenir de force. Alors il me demanda son costume de général anglais, l'habit et le pantalon rouge galonné d'or, le chapeau à claque avec son plumet. Il joignait les mains, il se mettait à genoux pour mieux me supplier. Quand il vit qu'il n'obtenait rien de moi par la prière, il essaya de la colère, puis enfin des larmes. Il était certain que nous aurions bien de la peine à le décider à renoncer à son idée de reprendre son rôle le soir, et je pensais que dans ces conditions, le mieux était de lui cacher notre départ. Malheureusement, quand Vitalis, qui ignorait ce qui s'était passé en son absence, rentra, sa première parole fut pour me dire de préparer ma harpe et tous les accessoires nécessaires à notre représentation. À ces mots, bien connus de lui, Jolicoeur recommença ses supplications, les adressant cette fois à son maître. Il eût pu parler qu'il n'eût assurément pas mieux exprimé par le langage articulé ses désirs, qu'il ne le faisait par les sons différents qu'il poussait, par les contractions de sa figure et par la mimique de tout son corps. C'était de vraies larmes qui mouillaient ses joues, et c'était de vrais baisers ce qu'il appliquait sur les mains de Vitalis. « Tu veux jouer ?» dit celui-ci. « Oui, oui !» cria toute la personne de Jolicoeur. « Mais tu es malade, pauvre petit Jolicoeur !»« Plus malade » cria-t-il non moins expressivement. C'était vraiment chose touchante de voir l'ardeur que ce pauvre petit malade, qui n'avait plus que le souffle, mettait dans ses supplications, et les mines ainsi que les poses qu'il prenait pour nous décider. Mais lui accorder ce qu'il demandait, c'eût été le condamner à une mort certaine. L'heure était venue de nous rendre aux halles. J'arrangeai un bon feu dans la cheminée, avec de grosses bûches qui devaient durer longtemps. J'enveloppai bien dans sa couverture le pauvre petit Jolicoeur qui pleurait à chaudes larmes et qui m'embrassait tant qu'il pouvait. Puis nous partîmes. En cheminant dans la neige, mon maître m'expliqua ce qu'il attendait de moi. Il ne pouvait pas être question de nos pièces ordinaires, puisque nos principaux comédiens manquaient. Mais nous devions, Capi et moi, donner tout ce que nous avions de zèle et de talent. Il s'agissait de faire une recette de 40 francs. 40 francs. C'était bien là le terrible. Tout avait été préparé par Vitalis, et il ne s'agissait plus que d'allumer les chandelles. Mais c'était un luxe que nous ne devions nous permettre que quand la salle serait à peu près garnie, car il fallait que notre illumination ne finît pas avant la représentation. Pendant que nous prenions possession de notre théâtre, le tambour parcourait une dernière fois les rues du village, et nous entendions les roulements de sa caisse qui s'éloignait ou se rapprochait selon le caprice des rues. Après avoir terminé la toilette de Capi et la mienne, j'allai me poster derrière un pilier pour voir l'arrivée de la compagnie. Bientôt les roulements du tambour se rapprochèrent et j'entendis dans la rue une vague rumeur. Elle était produite par les voix d'une vingtaine de gamins qui suivaient le tambour en marquant le pas. Sans suspendre sa batterie, le tambour vint se placer entre deux lampions allumés à l'entrée de notre théâtre et le public n'eut plus qu'à occuper ses places en attendant que le spectacle commença. Hélas, qu'il était lent à venir. Et cependant, à la porte, le tambour continuait ses rats et ses flats avec une joyeuse énergie. Tous les gamins du village étaient, je pense, installés. Mais ce n'étaient pas les gamins qui nous feraient une recette de 40 francs. Il nous fallait des gens importants, à la bourse bien garnie et à la main facile à s'ouvrir. Enfin, mon maître décida que nous devions commencer, bien que la salle fût loin d'être remplie. Mais nous ne pouvions attendre davantage, poussés que nous étions par la terrible question des chandelles. Ce fut à moi de paraître le premier sur le théâtre, et en m'accompagnant de ma harpe, je chantai deux chansonnettes. Pour être sincère, je dois déclarer que les applaudissements que je recueillis furent assez rares. Je n'ai jamais eu un bien grand amour-propre du comédien, mais dans cette circonstance, la froideur du public me désola. Assurément, si je ne lui plaisais pas, il n'ouvrirait pas sa bourse. Ce n'était pas pour la gloire que je chantais, c'était pour le pauvre Jolicoeur. Ah, comme j'aurais voulu le toucher, ce public, l'enthousiasmer, lui faire perdre la tête. Mais autant que je pouvais voir dans cette halle pleine d'ombres bizarres, il me semblait que je l'intéressais fort peu et qu'il ne m'acceptait pas comme un prodige. Capi fut plus heureux. On l'applaudit à plusieurs reprises et à pleines mains. La représentation continua.

La dame ne répondit pas, mais elle regarda assez longuement Vitalis, qui se tenait devant elle dans une attitude embarrassée. « Au revoir, monsieur, » dit-elle, en appuyant sur le mot « monsieur », qu'elle prononça avec une étrange intonation. « Au revoir, et encore une fois laissez-moi vous remercier de l'émotion que je viens de ressentir. » Puis, se baissant vers Capi, elle mit dans la sébile une pièce d'or. Je croyais que Vitalis allait reconduire cette dame, mais il n'en fit rien, et quand elle se fut éloignée de quelques pas, je l'entendis murmurer à mi-voix deux ou trois jurons italiens. « Mais elle a donné un louis à Capi, » dis-je. Je crus qu'il allait m'allonger une taloche. Cependant, il arrêta sa main levée. « Un louis ? » dit-il, comme s'il sortait d'un rêve. « Ah oui, c'est vrai, pauvre joli cœur, je l'oubliais. Allons le rejoindre. » Notre ménage fut vite fait, et nous ne tardâmes point à rentrer à l'auberge. Je montai l'escalier le premier, et j'entrai dans la chambre en courant. Le feu n'était pas éteint, mais il ne donnait plus de flamme. J'allumai vivement une chandelle et je cherchai Joli Cœur, surpris de ne pas l'entendre. Il était couché sur sa couverture, tout de son long. Il avait revêtu son uniforme de général et il paraissait dormir. Je me penchai sur lui pour lui prendre doucement la main sans le réveiller. Cette main était froide. À ce moment, Vitalis entrait dans la chambre. Je me tournai vers lui. « Joli cœur est froid. » Vitalis se pencha près de moi. « Hélas, » dit-il, « il est mort. Cela devait arriver. Vois-tu, Rémi, j'ai été coupable de t'enlever à Madame Milligan. Je suis puni. Zerbino, Dolce, aujourd'hui joli cœur. Et ce n'est pas la fin. » Chapitre 16. Entrée à Paris. Nous étions encore bien éloignés de Paris. Il fallut nous mettre en route par les chemins couverts de neige et marcher du matin au soir contre le vent du nord qui nous soufflait au visage. Comme elles furent tristes ces longues étapes. Vitalis marchait en tête, je venais derrière lui et Capi marchait sur mes talons. Nous avancions ainsi à la file, sans échanger un seul mot, durant des heures, le visage bleui par la bise, les pieds mouillés, l'estomac vide. Et les gens que nous croisions s'arrêtaient pour nous regarder défiler. Évidemment, des idées bizarres leur passaient par l'esprit. Où donc ce grand vieillard conduisait-il cet enfant et ce chien? Le silence m'était extrêmement douloureux. J'aurais eu besoin de parler, de m'étourdir. Mais Vitalis ne me répondait que par quelques mots brefs lorsque je lui adressais la parole, et encore sans se retourner. Heureusement, Capi était plus expansif, et souvent, en marchant, je sentais une langue humide et chaude se poser sur ma main. C'était Capi qui me léchait pour me dire « Tu sais, je suis là, moi, Capi, moi, ton ami. » Et alors je le caressais doucement, sans m'arrêter. Il paraissait aussi heureux de mon témoignage d'affection que je l'étais moi-même du sien. Nous nous comprenions, nous nous aimions. Pour moi, c'était un soutien, et pour lui, j'en suis sûre, c'en était un aussi. Le cœur d'un chien n'est pas moins sensible que celui d'un enfant. Ses caresses consolaient si bien Capi qu'elles lui faisaient, je crois, oublier quelquefois la mort de ses camarades. La force de l'habitude reprenait le dessus. Et tout à coup, il s'arrêtait sur la route pour voir venir sa troupe, comme au temps où il en était le caporal et où il devait fréquemment la passer en revue. Mais cela ne durait que quelques secondes. La mémoire se réveillait en lui et se rappelant brusquement pourquoi cette troupe ne venait pas, il nous dépassait rapidement et regardait Vitalis en le prenant à témoin qu'il n'était pas en faute. Si Dolce, si Zerbino ne venait pas, c'était qu'il ne devait plus venir. Il faisait cela avec des yeux si expressifs, si parlants, si pleins d'intelligence, que nous en avions le cœur serré. Cela n'était pas de nature à égayer notre route, et cependant nous aurions eu bien besoin de distraction, moi au moins, Partout sur la campagne s'étalait le blanc linceul de la neige. Point de soleil au ciel, mais un jour fauve et pâle. Point de mouvement dans les champs, point de paysans au travail, point de hennissement de chevaux, point de beuglement de bœufs. Mais seulement le croassement des corneilles qui perchaient au plus haut des branches dénudées criaient la faim sans trouver sur la terre une place où descendre pour chercher quelques vers. Dans les villages, point de maisons ouvertes, mais le silence et la solitude. Le froid est âpre, on reste au coin de l'âtre ou bien l'on travaille dans les étables et les granges fermées. Et nous, sur la route raboteuse ou glissante, nous allons droit devant nous, sans nous arrêter et sans autre repos que le sommeil de la nuit dans une écurie ou dans une bergerie, avec un morceau de pain bien mince, hélas, pour notre repas du soir, qui est à la fois notre dîner et notre souper. Quand nous avons la bonne chance d'être envoyés à la bergerie, nous nous trouvons heureux. La chaleur des moutons nous défendra contre le froid. Et puis c'est la saison où les brebis allaitent leurs agneaux, et les bergers me permettent quelquefois de téter une brebis qui a beaucoup de lait. Nous ne disons pas que nous mourrons presque de faim, mais Vitalis, avec son adresse ordinaire, s'est insinué que le petit aime beaucoup le lait de brebis, parce que dans son enfance il a été habitué à en boire, de sorte que ça lui rappelle son pays. Cette fable ne réussit pas toujours, mais c'est une bonne soirée quand elle est bien accueillie. Assurément, oui, j'aime beaucoup le lait de brebis, et quand j'en ai bu, je me sens le lendemain plus dispos et plus fort. Les kilomètres s'ajoutèrent aux kilomètres, les étapes aux étapes, nous approchâmes de Paris, et quand même les bornes plantées le long de la route ne m'en auraient pas averti, je m'en serais aperçu à la circulation qui était devenue plus active, et aussi à la couleur de la neige couvrant le chemin, qui était beaucoup plus sale que dans les plaines de la Champagne. Chose étonnante, pour moi au moins, la campagne ne me parut pas plus belle. Les villages ne furent pas autres que ceux que nous avions traversés quelques jours auparavant. J'avais tant de fois entendu parler des merveilles de Paris que je m'étais naïvement figuré que ces merveilles devaient s'annoncer au loin par quelque chose d'extraordinaire. Je ne savais pas au juste ce que je devais attendre et n'osais pas le demander. Mais enfin j'attendais des prodiges, des arbres d'or, des rues bordées de palais de marbre et dans ces rues des habitants vêtus d'habits de soie. Cela me parut tout naturel. Si attentif que je fusse à chercher des arbres d'or, je remarquai néanmoins que les gens qui nous rencontraient ne nous regardaient plus. Sans doute ils étaient trop pressés pour cela, ou bien ils étaient peut-être habitués à des spectacles autrement douloureux que celui que nous pouvions offrir. Cela n'était guère rassurant. Qu'allions-nous faire à Paris? Et surtout dans l'état de misère où nous nous trouvions? C'était la question que je me posais avec anxiété et qui bien souvent occupait mon esprit pendant ces longues marches. J'aurais bien voulu interroger Vitalis, mais je n'osais pas, tant il se montrait sombre et dans ses communications, bref. Un jour enfin, il daigna prendre place à côté de moi, et à la façon dont il me regarda, je sentis que j'allais apprendre ce que j'avais tant de fois désiré connaître. C'était un matin. Nous avions couché dans une ferme, à peu de distance d'un gros village, qui, disaient les plaques bleues de la route, se nommait Boissy-Saint-Léger. Nous étions partis de bonne heure, c'est-à-dire à l'aube, et après avoir longé les murs d'un parc et traversé dans sa longueur ce village de Boissy-Saint-Léger, nous avions, du haut d'une côte, aperçu devant nous un grand nuage de vapeur noire qui planait au-dessus d'une ville immense dont on ne distinguait que quelques monuments élevés. J'ouvrais les yeux pour tâcher de me reconnaître au milieu de cette confusion de toits, de clochers, de tours, qui se perdaient dans des brumes et dans des fumées, quand Vitalis, ralentissant le pas, vint se placer près de moi. « Voilà donc notre vie changée, » me dit-il, comme s'il continuait une conversation entamée depuis longtemps déjà. « Dans 4 heures, nous serons à Paris. »« Ah, c'est Paris qui s'étend là-bas ? » ?»« Mais sans doute. » Au moment même où Vitalis me disait que c'était Paris que nous avions devant nous, un rayon de lumière se dégagea du ciel et j'aperçus, rapide comme un éclair, un miroitement doré. Décidément, je ne m'étais pas trompé. J'allais trouver des arbres d'or. Vitalis continua. À Paris, nous allons nous séparer. Instantanément, la nuit se fit. Je ne vis plus les arbres d'or. Je tournai les yeux vers Vitalis. Lui-même me regarda, et la pâleur de mon visage, le tremblement de mes lèvres, lui dirent ce qui se passait en moi. « Te voilà inquiet, » dit-il. « Peiné aussi, je crois bien. »« Nous séparer ? » dis-je enfin, après que le premier moment du saisissement fut passé. « Pauvre petit !» Ce mot, et surtout le ton dont il fut prononcé, me firent monter les larmes aux yeux. Il y avait si longtemps que je n'avais entendu une parole de sympathie. « Ah, vous êtes bon !» m'écriai-je. « C'est toi qui es bon, un bon garçon, un brave petit cœur. Vois-tu, il y a des moments dans la vie où l'on est disposé à reconnaître ces choses-là et à se laisser attendrir. Quand tout va bien, on suit son chemin, sans trop penser à ceux qui vous accompagnent. Mais quand tout va mal, quand on se sent dans une mauvaise voie, surtout quand on est vieux, c'est-à-dire 100 fois dans le lendemain, on a besoin de s'appuyer sur ceux qui vous entourent et on est heureux de les trouver près de soi. Que moi je m'appuie sur toi, cela te paraît étonnant, n'est-ce pas vrai? Et pourtant cela est ainsi. Et rien que par cela que tu as les yeux humides en m'écoutant, je me sens soulagée. Car moi aussi, mon petit Rémi, j'ai de la peine. C'est seulement plus tard, quand j'ai eu quelqu'un à aimer, que j'ai senti et éprouvé la justesse de ses paroles. Le malheur est, continua Vitalis, qu'il faille toujours se séparer précisément à l'heure où l'on voudrait au contraire se rapprocher. « Mais, dis-je timidement, vous ne voulez pas m'abandonner dans Paris ?»« Non, certes, je ne veux pas t'abandonner, crois-le bien. Que ferais-tu à Paris tout seul, pauvre garçon ? Et puis je n'ai pas le droit de t'abandonner, dis-toi bien cela. Le jour où je n'ai pas voulu te remettre aux soins de cette brave dame qui voulait se charger de toi et t'élever comme son fils, j'ai contracté l'obligation de t'élever moi-même de mon mieux. » Par malheur, les circonstances me sont contraires. Je ne puis rien pour toi en ce moment. Et voilà pourquoi je pense à nous séparer. Non pour toujours, mais pour quelques mois, afin que nous puissions vivre chacun de notre côté pendant les derniers mois de la mauvaise saison. Nous allons arriver à Paris dans quelques heures. Que veux-tu que nous y fassions avec une troupe réduite au seul capi? En entendant prononcer son nom, le chien vint se camper devant nous. Ayant porté la main à son oreille pour faire le salut militaire, il la posa sur son cœur, comme s'il voulait nous dire que nous pouvions compter sur son dévouement. Dans la situation où nous nous trouvions, cela ne calma pas notre émotion. Vitalis s'arrêta un moment pour lui passer la main sur la tête. « Toi aussi, dit-il, tu es un brave chien. Mais hélas, on ne vit pas de bonté dans le monde. Il en faut pour le bonheur de ceux qui nous entourent. Mais il faut aussi autre chose, et cela ne nous l'avons point. Que veux-tu que nous fassions avec le seul capi? Tu comprends bien, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas maintenant donner des représentations. Il est vrai. Les gamins se moqueraient de nous, nous jetteraient des trognons de pommes, et nous ne ferions pas 20 sous de recettes par jour. Veux-tu que nous vivions tous les trois avec 20 sous, qui par les journées de pluie, de neige ou de grand froid, se réduiront à rien? Même ma harpe. Si j'avais 2 enfants comme toi, cela irait peut-être, mais un vieux comme moi, avec un enfant de ton âge, c'est une mauvaise affaire. Je ne suis pas encore assez vieux. Si j'étais plus cassé, ou bien si j'étais aveugle. Mais par malheur, je suis ce que je suis, c'est-à-dire non en état d'inspirer la pitié. Et à Paris, pour émouvoir la compassion des gens pressés qui vont à leurs affaires, il faut être dans un état bien lamentable. Encore faut-il n'avoir pas honte de faire appel à la charité publique, et cela je ne le pourrai jamais. Il nous faut autre chose. Voici donc à quoi j'ai pensé et ce que j'ai décidé. Je te donnerai jusqu'à la fin de l'hiver un padrone qui t'enrôlera avec d'autres enfants pour jouer de la harpe. En parlant de ma harpe, ce n'était pas à une pareille conclusion que j'avais songé. Vitalis ne me laissa pas le temps d'interrompre. Pour moi, dit-il en poursuivant, je donnerai des leçons de harpe, de piva, de violon aux enfants italiens qui travaillent dans les rues de Paris. Je suis connu dans Paris, où je suis resté plusieurs fois et d'où je venais quand je suis arrivé dans ton village. Je n'ai qu'à demander des leçons pour en trouver plus que je n'en puis donner. Nous vivrons, mais chacun de notre côté. Et puis en même temps que je donnerai mes leçons, je m'occuperai à instruire deux chiens pour remplacer Zerbino et Dolce. Je pousserai leur éducation, et au printemps nous pourrons nous remettre en route tous les deux, mon petit Rémi, pour ne plus nous quitter, car la fortune n'est pas toujours mauvaise à ceux qui ont le courage de lutter. C'est justement du courage que je te demande en ce moment, et aussi de la résignation. Plus tard les choses iront mieux, ce n'est qu'un moment à passer. Au printemps nous reprendrons notre existence libre. Je te conduirai en Allemagne, en Angleterre. Voilà que tu deviens plus grand et que ton esprit s'ouvre. Je t'apprendrai bien des choses et je ferai de toi un homme. J'ai pris cet engagement devant Madame Milligan et je le tiendrai. C'est en vue de ces voyages que j'ai déjà commencé à t'apprendre l'anglais, le français, l'italien. C'est déjà quelque chose pour un enfant de ton âge. Sans compter que te voilà vigoureux. Tu verras, mon petit Rémi, tu verras, tout n'est pas perdu. Cette combinaison était peut-être ce qui convenait le mieux à notre condition présente. Et quand maintenant j'y songe, je reconnais que mon maître avait fait le possible pour sortir de notre fâcheuse situation. Mais les pensées de la réflexion ne sont pas les mêmes que celles du premier mouvement. Dans ce qu'il me disait, je ne voyais que deux choses. Notre séparation et le padrone. Dans nos courses à travers les villages et les villes, j'en avais rencontré plusieurs de ces padrones qui mènent les enfants qu'ils ont engagés, de ci, de là, à coups de bâton. Ils ne ressemblaient en rien à Vitalis. Dur, injuste, exigeant, ivrogne, l'injure et la grossièreté à la bouche, la main toujours levée. Je pouvais tomber sur un de ces terribles patrons. Et puis quand même le hasard me donnerait un bond, c'était encore un changement. Après ma nourrice, Vitalis. Après Vitalis, un autre. Est-ce que ce serait toujours ainsi? Est-ce que je ne trouverais jamais personne à aimer pour toujours? Peu à peu, j'en étais venue à m'attacher à Vitalis comme à un père. Mais je n'aurais donc jamais de père, jamais de famille, toujours seule au monde, toujours perdue sur cette vaste terre où je ne pouvais me fixer nulle part. J'aurais eu bien des choses à répondre, et les paroles me montaient du cœur aux lèvres, mais je les refoulais. Mon maître m'avait demandé du courage et de la résignation. Je voulais lui obéir et ne pas augmenter son chagrin. Déjà d'ailleurs, il n'était plus à mes côtés, et comme s'il avait peur d'entendre ce qu'il prévoyait que j'allais répondre, il avait repris sa marche à quelques pas en avant. Je le suivis, et nous ne tardâmes pas à arriver à une rivière que nous traversâmes sur un pont boueux, comme je n'en avais jamais vu. La neige, noire comme du charbon pilé, recouvrait la chaussée d'une couche mouvante dans laquelle on enfonçait jusqu'à la cheville. Au bout de ce pont se trouvait un village aux rues étroites, puis après ce village, la campagne recommençait, mais non la campagne encombrée de maisons à l'aspect misérable. Sur la route, les voitures se suivaient et se croisaient maintenant sans interruption. Je me rapprochai de Vitalis et marchai à sa droite, tandis que Capi se tenait le nez sur nos talons. Bientôt la campagne cessa, et nous nous trouvâmes dans une rue dont on ne voyait pas le bout. De chaque côté, au loin, des maisons, mais pauvres, sales, et bien moins belles que celles de Bordeaux, de Toulouse et de Lyon. La neige avait été mise en tas, de place en place, et sur ces tas noirs et durs, on avait jeté des cendres, des légumes pourris, des ordures de toutes sortes. L'air était chargé d'odeurs fétides. Les enfants qui jouaient devant les portes avaient la mine pâle. À chaque instant passaient de lourdes voitures qu'ils évitaient avec beaucoup d'adresse et sans paraître en prendre souci. « Où donc sommes-nous » demandai-je à Vitalis. « À Paris, mon garçon. »« À Paris ? » ?»« Était-ce possible ? C'était là, Paris ? » ?»« Où donc étaient mes maisons de marbre ? Où donc étaient mes passants vêtus d'habits de soie ? » ?»« Comme la réalité était laide et misérable. » C'était là ce Paris que j'avais si vivement souhaité voir? C'était là que j'allais passer l'hiver, séparé de Vitalis et de Capi?